Le 15e Festival international de cinéma de Pyongyang aura lieu du 16 au 23 septembre à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée. Y seront projetés des films coréens et ceux présentés par divers pays. On prévoit aussi la projection spéciale, le concours des films artistiques de longs métrages et de courts métrages et des documentaires, la projection d'informations et les échéances de films. Il y aura également la séance des films coréens.